les mains, valse les sables et les vents, à la gloire des rois d'Aksum et de Saba, valse les sables et les vents, danse, danse les éléments, tourne la foudre et les torrents, à la gloire des rois d'Aksum et de Saba, tourne la foudre et les torrents. Tigre et Euphrate, une alliance fut scellée. Aux armées du vainqueur tient l'honneur des vaincus. qu'un destin peut désigner d'une seule fois. Pour qu'une fourmi témoigne des pas d'Ibn al-Hakim. Les torrents.